Ribéry, le ballon et le but de l'équipe de France. Ça m'a fait rire, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, et ces cons, on va s'en occuper. Oh, Malouda. Salut les copines. Salut. Alors déjà pour, je suis très heureux de vous retrouver encore pour ce lundi. Déjà, je voudrais commencer avec une phrase de Daniel. Daniel, qui, vous n'étiez pas là, mais il nous a fait une analyse sociologique et géopolitique dont tout est secret. Jamais avare de thèses développées et documentées sur les différences qui caractérisent les peuples dans des diagnostics pointus qui rappellent les grandes heures de Lévi-Strauss et Bergson. Je propose qu'on écoute. Ils aiment bien Camping-Car, bah, les Hollandais. Ouais. Voilà, donc. Et ça, non, mais c'est vrai que si t'as pas ça dans une émission, t'as dit ça, il te manque un truc. Oui, j'aime un bien tu vois, autant, que t'as raconté mon Johnny Rep. Johnny Rep. Mais c'est autant, vrai, mais c'est vrai, le noir ne court pas vite, mais le Hollandais aime le camping. Et ça, c'est important de là, le dire. Là, tu te trompes, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, tu sais très bien qu'il y a des blagues qu'on peut faire. Très bien. Genre, le Hollandais, on peut, l'Autrichien, on tu peux, l'Allemand. Le Polonais, s'il n'est pas plombier, ça passe. Tu blagues moyennement. Ouais, tu blagues doucement. Tu sais très bien que tout ce qui est. Germanique. Tu sais bien quoi, les blagues qu'on peut faire. En plus, on en a parlé hier soir. Oui, c'est vrai. Hein, à cette réunion du GUD où tu étais d'ailleurs. Non, 100% foot. Qu'est-ce que tu racontes? Mais de quoi parles-tu? Mais tu dis n'importe quoi, Daniel. 100% foot. J'en ai parlé? Ouais. Ah, c'est vrai, c'est possible. Des blagues qu'on pouvait. Voilà. Hein. Oui, voilà. Donc, Daniel, donc, il nous a quand même. C'est important parce que tu sais, des fois, on est là, on se perd dans des palabres et c'est important de mettre un petit peu de politique et de géopolitique là-dedans. on a fait un petit mot sur le rugby. C'était quand même important. L'autre, il nous a sorti sa compo d'équipe. Je pense qu'on a rarement eu autant rien à foutre d'un truc que de ça. Et non, c'est pas vrai, moi ça m'intéresse. Oula, tu as un avec le patron. Qui est patron? J'ai pas de patron, moi je suis un homme libre. En tout cas, je suis bientôt libre. Dans 10 minutes, je virerai. donc, alors. D'ailleurs, finalement, le match, le fameux Guignon Brésil du rugby, là, France-Japon, on a failli perdre quand même, les mecs. Hein. Donc, et ben, c'est ce que j'ai entendu sur RMC. J'ai entendu de Fragile, eh, les mecs, faudrait éviter l'Angleterre en quart. Non, mais c'est vrai, ça serait dommage de voir un match intéressant avant la dernière semaine, tu vois, de compète. Vous me s'emmerder peinard devant sa caméra, devant sa télé, tu vois, devant des matchs en bois, au pub, en parlant du cul de la serveuse, en faisant gaffe à pas tâcher son pot au Eden Park. C'est ça, la magie du rugby. Merci, les gars. Non, mais je te jure, mais ça les fait leur raison peur. Ah là là, un match intéressant. Non, surtout pas. Ah, France-Samoa, c'est beaucoup plus sympa. Alors, les drôles de dames, Fred. Oui. Fred, tu nous as donné un scoop très intéressant. Hein, je savais pas que t'avais. C'est quoi ta voiture? C'est une DeLorean? Non. On va écouter Fred. Tout simplement faire venir Neymar en juin 93, puisque Guardiola n'en veut pas. Et comme le Barça est en train de négocier pour ce joueur pour juin 93, ça prouve bien que Guardiola va partir en juin 93. Donc c'est important. T'as vraiment dit ça, Fred? Donc voilà, il va venir en juin 93. C'est quand même pas mal. Non, je te jure qu'il n'y a pas de trucage. Moi, j'avais pas entendu le raisonnement, genre qu'on choisirait Neymar plutôt que Guardiola et tout. J'ai pas entendu, tu vois. Non, mais il l'a dit. Oh là là. Moi, je me mets à ta place. Non, mais bien sûr, mais moi, je me mets à t'es resté bloqué dans les années 90. Mais c'est normal, t'avais des cheveux, un ventre plat, des érections régulières. Tu faisais le grand écart américain sur Ace of Base. C'est normal, Fredo. Bah ouais, c'est vrai. Mais oui. Et puis 93, c'est une grande année. France-Bulgarie, OMVA, Balladur, salut les musclés, 36-15 Ula. Merci, Fredo, de nous remettre à cette époque. Elle avait quoi, Morane, en 93? Il y avait quoi? En 93... Bah, elle venait d'arriver de Belgique. En 93, elle venait de sortir... Ah bah en 93, c'était juste avant l'album... Ouais, du mal, chante du mal, non, du mal. Non, ça c'est 91. Ah, exact. Ah oui, c'est plus grave que prévu, donc. Alors, attends. Donc, ouais, non, parce que nous, on déconne, mais tu connais vraiment les dates. Donc, ouais. Bah, remarque, oui, c'est bien. Et, je veux dire, moi, à choisir entre connaître les dates des transferts et des disques de Morane, j'aurais choisi aussi, hein. À un moment donné. Donc, on a appris, grâce à Polo, que vu son salaire, Gignac, avec Magat, il aurait le droit à 8000 passes en retrait au gardien. 14 000 pertes de balles, il pourrait faire mettre 83 763 fois le casque d'iPod en sortant du bus. Et même mieux, il peut faire 34 000 fois perdre la balle en donnant au gardien et avec son casque sur les oreilles. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour Gignac. Et puis surtout, la bonne nouvelle, c'est que dans la liste de Magat, il n'y a pas la prise de poids. Hein, ça, c'est pas du tout... en même temps, quand tu manges des patates et que tu bois de la bière, mais c'est de la bière de soif, on est tous d'accord, Polo, c'est pas de l'alcool. D'ours, bière. Ah, voilà, au fait, 93, c'est Morane, c'est Sacasse. Ah, Sacasse. Mais c'est l'album sorti en 91. Ouais. D'accord. Non, non, mais c'est important. Je suis content de l'entendre. Gignac blessé à la ceinture abdominale. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il a les abdominaux. Ça, quand même, t'étais pas au courant. C'est quand même une bonne nouvelle. Le président Panzani, là, Don Patillo, là, comment il s'appelle, le mec de Palerme. Zamparini. Tu continues avec les pays sur lesquels on a le droit de rigoler. Ouais. L'Italien là, peut. Tu peux, là. Mais l'Italien peut. Non, fais la même chose avec un patronyme marocain. Fais-moi rire. Allez, envoie. Fais-moi rigoler. C'est moi qui a payé Guilavoni la Joanie. C'est moi qui a appelé Guy Lavoni la Joanie. C'est français, ça, monsieur. C'est français, Guy Lavoni. C'est français. C'est pas ma France à moi, monsieur Guy Lavoni. C'est pas ma France. C'est français. Il est quoi? Il est corse. Ah, c'est Guy Lavoni? Guy Lavogui. Ah, Guy Lavogui? Parce que la Corse, c'est la France. Ah oui, c'est vrai, merde. Vous savez, toutes les semaines, je m'engueule avec. Guy Lavogui, c'est la France, autant pour moi. Donc, le président, Don Patillo. Ah oui, ça, Don Patillo, Barilla, machin, on a le droit, hein, cette blague avec ça. On ne cite pas de marque. Bien sûr, hein. C'est comme ça, je vais me faire rincer en pâte. Ouais, c'est ça, bah, tu vas. Et macaroni, tu le mets où? Macaroni, bah, c'est macaroni, ouais, c'est pas. Continuez ça un peu, ça. Laisse Romain. Filet Polo, tu dis rien, toi. D'ailleurs, ce pauvre. Écoute, très drôle, il faudrait que je retrouve, et je suis sûr que Fred Didier et Philippe le connaissent. Il y a un auteur français ou un poète qui avait sorti une phrase extraordinaire sur l'histoire de la France. En fait, qui ressortait en fait la façon dont la France s'était spécialisée pour donner des surnoms à ses pays. À ces pays voisins, et je crois qu'il n'y a jamais eu autant dans l'histoire de tous les pays au monde, un pays comme la France qui donne autant de surnoms à ses bien voisins. Sûr, les Portos, les Pingouins, les Rigal, c'était un truc extraordinaire. Les Doriforts, les Fridolins. C'était les Frites, les Allemands. Et les Belges, ils ont quoi comme surnom? Les Belges, ils ont quoi comme surnom? Les Frites. Les cons. C'est les cons, on les appelle les cons. Attends, on a raison. Voilà, bref. Mais voilà. Donc, de Panzarini, puisqu'il faut dire son nom, hein, pardon, excusez-moi. Zamparini, ouais, ça y est, attends. J'ai fait exprès. Il veut encore nous vendre un joueur à Paris, le mec, tu m'étonnes, il est pas complètement con, il a capté l'astuce, il veut nous filer maintenant. Alors, Balzaretti. Voilà, j'allais le dire, c'est marrant, j'allais exactement dire ce mot. Et donc, le nouveau sponsor du PSG, ça va être Palermo, à mon avis. Pour un petit Palermo, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. En plus, c'est sans alcool, pour les Qataris, c'est impeccable, c'est pas péché. Oula, attention. Qu'est-ce qui se passe? Le dérapage, pas d'alcool. N'est pas très, très non. Long. Ah non, pas d'alcool. Ouais, mais... Tu nous as pas fait l'annonce aux étoiles, quand même, Julien, là. Non, c'est vrai. Parce que. Oui, je sais. Ouais, tu sais. Il y a la danseuse aux étoiles de notre ami qui nous attend à Paris, le petit rat. Hein. Ouais. Les petits rats. Alors là, tu vois, pas de blague, tu vois, je sais rester sobre. Simonet, entraîneur. C'est pourtant pas l'envie qui t'en manque. Ah, tu vois. Simonet, entraîneur du Canard Football Club, là, les mecs avec les pieds palmés, là, S Monaco. Alors, ils sont bien. Il est arrivé à Monaco, il a dit à tout le monde d'aller en voiture, Simone. Pas mal, ça. Encore une blague sur les Italiens, c'est ça? Non, je trouve nul. Je suis désolé pour Alain Giresse, qui reste quand même la plus belle phrase de Marco Simonet, on s'en rappelle après Lens. Donc ça va être bien avec lui. Non, mais c'est bien ce qu'ils vont faire les causeries avec Julie au casino. Comme ça, ils vont être peinards. Hé, les 8 là, passe et perd. Les 11, un père et manque. Ça va être génial. Sauf qu'à mon avis, ça va plutôt être le 0 rouge, père et manque. À mon avis, à la fin de la saison, mais bon. Marvin Martin, alors Sochaux-Lorient, il a dit Sochaux-Lorient, c'est un nul un peu décevant. C'est marrant parce que c'est le même surnom d'Alou Diarra. C'est un nul un peu décevant. Donc on va l'appeler Sochaux-Lorient maintenant, Alou Diarra. Ça lui ira pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, alors OM. Alors OM, on a encore un épisode des déchiens, l'équipe de Deschamps, hein, qui nous a encore fait une super partie. Et là, Jérémy Morel, il était pas content, Morel. Allez, allez, allez, go, là! Ça a pris une belle balle. Allez, le missile en plus. Alors, sous les mondes, là, sous les, commence à nous saouler celui-là aussi. Alors, et puis l'autre à côté, là, la Fanny Ardant, la Fanny Contenson, là, comment il s'appelle? Oui, Rod Fanny, oui, c'est pareil, à ma mère de pas, oui, Rod Fanny, oui, Rottweiler, oui. Toujours en train, on dirait un Clébard, là, il court comme un Clébard. Mais même moi, mon Clébard, de temps en temps, il attrape la balle, hein. Il est pas toujours à mordre les mollets, là, comme un pitbull, là. Ah, je te jure, là, puis alors, en face, il y avait qui? C'est quand même pas un tueur, en face, c'est économique. C'est quand même pas. Alors, je vais leur faire un test canobique, là, parce qu'à mon avis, ils prennent du canobie, tout ça, là, sur le terrain, là. Ils prennent du canobie, qu'ils avancent plus, qu'on dirait qu'ils sont drogués. Là, pour une fois, c'est pas la faute à Gignac. Alors, lui, il peut plus jouer derrière lui. Il a encore grossi. Ah, c'est pas vrai, mais il était pas un Merano, il était un Serrano, hein. Il a bouffé du jambon. Il a repris le régime pizza, puis alors, quand il a appris que la patronne, elle s'appelait Margarita, il a demandé si elle avait des champignons. La chance, c'est agréable. Ah, ça m'énerve, moi. Non, les pauvres, non, franchement. Et François Morel qui vient d'écrire une chanson pour le nouvel album de Morel. Mais bien sûr, attends, mais François Morel il en peut plus, il va pas se mettre au foot, il voit que ça lui plaît pas, ça marche pas. Valbuena. Alors Valbuena, quand même, il y a quand même grave, parce qu'il a une blessure. Ça a l'air de rien, parce que on dit oui, c'est une fissure de 8 cm au pyrénée. Le problème, c'est que 8 cm, c'est la taille de sa jambe, Valbuena. Faut remettre les choses en perspective. Donc forcément, tout d'un coup, ça va du fémur à la cheville. Hein. Donc c'est un petit peu moche. Et l'OM, à l'OM, on n'arrête pas de dire ils vont mal, ils vont pas si mal que ça. Parce que je vous rappelle que les mecs, ils arrêtent pas de dire à la fin des matchs, l'important c'est les 3 points. Mais ils ont 3 points, les mecs. Ils devraient être contents, puisque c'est ça l'important. Oh là là. Non, mais moi je m'énerve, je devrais pas. Gilbert, il a dit qu'il y avait, pour le Paris Saint-Germain, il y avait les sceptiques et les conquis. C'est vrai. Mais moi je fais partie des conquis. C'est vrai, je fais partie des cons qui pensent qu'on va être champion, des cons qui pensent qu'il y aura pas de crise après deux défaites, et des cons qui croient que Néné et Pastor vont devenir potes. Ça s'appelle les conquis, quoi. Et notamment Matuidi, magnifique. Matuidi, c'est un peu le nouveau Maquet. Ça y est, commence à prendre ses marques, l'intelligence de jeu, le placement. Ce qui n'est pas le cas de Siaka Tiené. Alors Siaka Tiené, moi je comprends pas. C'est que le mec, la balle lui arrive, c'est la panique. Hein. Le gars lui fait tiens, pas... non, c'est pas moi, je te jure. Tourne le dos, le mec. T'as pas remarqué? Quand on veut lui donner la balle, il dit non, j'étais pas là. C'est pas moi, me la donne pas. Non, mais les mecs, c'est en fait Siaka Tiené. Il y en a, ils font des appels en profondeur. Et lui, il fait des appels en absence. Siaka Tiené. Bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur de Siaka Tiené. Je ne suis pas sur le côté gauche pour le moment. Mais laissez-moi le ballon et je le rattraperai dès que possible. Si ça m'est possible, dans la mesure du possible. Ça va déraper, t'as vu rien. Siaka Tiené, je veux dire, ta boîte vocale est pleine et ta boîte crânienne est vide, mec. Non, c'est pas vrai, elle est pas vide, elle est pleine d'eau. Encore une goutte, ça va déborder. Mais si ça déborde, ça sera un bon début. Parce que ça déborde pas souvent sur le côté gauche. Allez, j'arrête. Une petite chanson parce qu'on ne veut pas terminer en se fâchant avec des gens. Alors, c'est bon. Alors, une petite chanson pour nos amis lillois, pour un joueur qui vient d'arriver et qui est la nouvelle star du Husk. Hey, y'a Joe Cole qui plaît assez. C'est vrai que son transfert a pas coûté un sou. Y'a Joe Cole qui plaît assez doux. Si en plus il plante, c'est le jackpot pour les ventes. Y'a Joe Cole qui plaît c'est doux. Cardio goal, c'est un pastor avec le salaire des coulous. Cardio goal, qui plaît assez doux. Et à Villeneuve d'Ascq, il met le feu comme hasard. Bravo. Et une dernière. Ah. Une dernière sur mon joueur préféré. Un joueur du Paris Saint-Germain. Deux chansons ce soir. Oui. Ah, c'est comme ça. Oui, parce que j'ai envie, on régale. Okay. Et une chanson sur mon joueur préféré au Paris Saint-Germain à qui j'ai envie de rendre hommage. Allez, c'est parti. Hey, salut les copains, vous avez envie de danser le zouquet? Attends, on l'a remis. Je suis comme lui, hein, je suis à la rue. Hein. J'adore. Je vais la refaire. Est-ce que vous êtes là, musique? Ça sera coupé au montage, on n'est pas en direct. Non, vas-y, c'est bon. Hey! Allons nous laisser tout rater, tout planter, tout casser. Allons-nous à ce poste chaque année désespéré. Après la Spalma, Konda, Drame et Didier Domi. On a trouvé pire que Tanasi et Kennedy. Si pour la Cagna un espoir qui part avec la Côte d'Ivoire, en février ça sera trop tard. En attendant c'est un cauchemar. Siaka Tiené, cadencer, piétiner, sauter, cascader, rouler, bouler, les deux pieds décollés. Siaka Tiené, Largué, mal placé, pied carré. Sur corner, on l'a trouvé. Au marquage d'un stadier. Ouais, merci, Jacques Attiéné.